Annonce importante du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, ça s'est fait vendredi. Aide précieuse de 143 000 $ de la Fédération des caisses Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Pour en savoir qu'est-ce qu'il y aura en retour, on parle avec le directeur général Junior Junior. Salut Junior. Salut Danny. Junior, très très très très bonne nouvelle. Tu m'as dit en dehors des ondes, ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus. Ouais, bon, on travaillait le dossier depuis, je te dirais, à peu près février, janvier-février de l'année passée, là. OK. 2020, ben de cette année, finalement, là, de 2020, depuis ce moment de fait qu'on a le temps de monter le dossier, prendre connaissance du programme. Si on sait que c'est par le biais du fond du grand le fond du grand mouvement Desjardins là OK. qui est partout au niveau provincial, fait que il y a des différents critères à lesquels il faut se conformer, etc., etc. Donc on a monté notre dossier jusqu'au printemps, on a présenté ça au début de l'été. Finalement là, bon, avec les délais, la COVID, ça a été retardé, fait Ouais. qu'on a reçu une réponse Eight, and there is positive là au Shane mois de Carson. septembre, donc He's de quoi que 17 years of notre age, will projet turn 18 in August. The avait été left accepté là à travers les différentes étapes du fond. Okay. Et bon, signature d'une entente avec eux autres là pour les détails du projet, etc., etc. Ça fait en sorte que là, ça nous a amené là à vendredi dernier là pour l'annonce. L'annonce officielle, là. OK. Si on parlait un peu de où est venue l'idée de les contacter, eux autres? Parce que tu avais vu ça, tu avais vu. Non, ben nous autres, Desjardins, c'est un de nos partenaires OK. Ouais, avec au club de la. golf, Ouais. déjà, avec la Caisse Domaine du Roy, c'est un de nos partenaires. Alors, comme à chaque année, on les rencontre. Puis, c'est eux autres, dans le fond, qui nous ont aiguillés sur ce fonds-là qui était disponible chez eux, puis qu'il OK. fallait. En fait, là, si on avait des projets, des choses qui pouvaient être intéressantes et qui cadraient là, dans leurs critères à eux, ben que si on le déposait puis que c'était intéressant, ben qu'eux autres, là, ça leur ferait plaisir de pousser notre dossier auprès là, à l'intérieur du fonds OK. et pour obtenir, dans le fond, du financement. Fait que c'est comme ça là, qu'on le suit, là. OK. Si on parlait un peu de qu'est-ce qui en retourne les 143 000 $, vous allez faire quoi avec ça? En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que, bon, on le sait, là, au niveau technologique, là, que peu importe les domaines, là, tout est très avancé, là, depuis, je dirais, mettons, 20-25 ans, là, mais au niveau du golf, là, depuis, au minimum une dizaine d'années, là, ça a avancé de façon fulgurante, là, tous les équipements maintenant possibles pour l'enseignement du golf. S'assurer que, tu sais, que les jeunes se développent bien, autant les jeunes, mais même pour les adultes aussi, là. C'est autant pour les jeunes que pour les adultes, là. Et les données qui ressortent de là, ce que je te dis, là, c'est l'enfer au niveau technologique, là, comment c'est plus l'enseignement comme on voyait dans le temps OK. avec un professionnel qui regardait l'élan de la personne, puis que, bon, mais fais attention à ça, fais attention à telle chose. Là, maintenant, on est capable d'aller chercher un paquet de données grâce à ces équipements-là. Alors, ça va être de procéder à l'achat de ces équipements-là. En même temps, ça nous implique la construction d'une petite, ben, je dis d'une petite, là, c'est l'équivalent d'un garage, là, mais ça va mesurer 22 pieds par 32 pieds, qui va être ça installé dans notre champ de pratique, là, où ce que les gens peuvent pratiquer. Puis, c'est dans ça, dans le fond, que les équipements vont être dans lesquels on va pouvoir faire de l'enseignement. Notre professionnel, là, Jonathan Lambert, là, va être en mesure, là, vraiment d'être bien organisé, là, pour justement, là, que ce soit autant les jeunes que les moins jeunes, là, pouvoir leur permettre d'avoir accès à ça. Donc, ça, c'est un processus, ce que je dirais, là, c'est une première étape. On va avoir aussi, on construit un nouveau verre, là, pas loin de cette bâtisse-là. On va construire dans le champ de pratique un verre d'entraînement avec fosse de sable pour tout le pays, avec des espaces pour pratiquer le jeu court. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au club. Là, Ah, c'est bon on ça. avait un verre d'entraînement, là, mais c'était juste pour vraiment pour le putting, là. Mais là, on va pouvoir jouer, faire le jeu court. Puis, donc ça, il va avoir également ça. Puis, évidemment, à travers tout ce pourparlers-là, ce projet-là. Plutôt, on a des pourparlers, parce qu'évidemment, on veut essayer là, de permettre le maximum de personnes possibles de pouvoir avoir accès à nos infrastructures et équipements. Donc, déjà, bon, on sait que le Cégep de Saint-Félicien, nous, à toutes les années, là, à l'automne, venait là, par le biais d'un cours de golf là, qui se donne avec le Cégep, venait déjà au club de golf. On avait un partenariat avec eux. Donc là, ben, là évidemment, là, on upgrade nos équipements de beaucoup. Là, ça sera plus, tu sais, on change complètement de game. Là, on tombe des ligues amateurs pratiquement aux ligues majeures là, en termes d'installation. Alors, on a déjà entamé des pourparlers. Eux autres, là, trouvent ça très intéressant, peuvent voir des opportunités là-dedans. Fait que là, dans les prochaines semaines, on va déjà s'asseoir à la table avec eux autres pour voir là, qu'est-ce qui peut être ça fait. pourrait amener une compétition majeure à Saint-Prime? Je parle de... Pas nécessairement, parce que c'est des compétitions majeures, c'est les terrains qui vont regarder, okay. Là, tu sais, c'est le nombre de verges de distance, etc. Bon. Peut-être une compétition avec des jeunes ou non, c'est à voir, là, tu sais, mais pour l'instant, nous autres, c'est pas l'objectif là, visé du tout par ça. Okay. C'est vraiment un objectif, c'est nous autres, la de développement du sport. Okay. C'est ça, de développement du sport, donner accès à des équipements, puis des infrastructures qu'on retrouve, là, tu sais, ces équipements-là, ces infrastructures-là, là, t'en as à Montréal, là, puis t'en as dans les gros clubs de Québec, là, puis... mais tu sais, il faut toujours, bon, autant nos jeunes que le golfeur, là, monsieur tout le monde, est obligé de se déplacer dans ces grands centres-là pour avoir accès, un, à ça, là, si on pourrait dire, mais après ça, quand tu vas, c'est des cours, là, fait que ça te prend ça de façon régulière, et que là, tu peux pas te déplacer à Québec une fois par semaine, là, ça n'a pas d'allure, là. Non. Ça fait en sorte que, bon, mais là, ça nous limite, alors. Si je parlais avec Kevin Fortin-Simard, une entrevue que je vais diffuser dans le temps des fêtes, puis ça peut par contre assurer le développement de jeunes golfeurs comme Kevin à l'époque. Là. Ben oui, non, mais ça, c'est assurément, ben oui, puis ouais. Quand tu as des golfeurs qui ont un potentiel, au lieu de dire, bon, mais là, regarde, ici, on n'a pas les équipements pour t'aider à te développer davantage, fait que là, il va falloir que tu t'exiles vers Québec, vers Montréal, ben, tu sais, c'est pas toujours, tandis que là, on va avoir les équipements. Fait qu'on va pouvoir les développer, nous autres, ici même, là, tu sais, dans notre région. Fait que c'est aussi le volet qui est super intéressant. Puis, tu sais, faut pas se leurrer, là. Les jeunes d'aujourd'hui, là, qui a 7, 8, 9, 10 ans, même 5 ans, les jeunes naissent avec la technologie. Ouais. Fait qu'il faut que pour les allumer, tu les allumes avec la technologie. Là, eux autres, là, quand ils vont voir tous ces équipements-là, ils vont capoter, là, comment est-ce que c'est pété, là. Mais eux autres, là, en même temps, tu les impressionnes pas parce qu'ils sont à l'école, c'est les tableaux tactiles, ils sont les jeux vidéo, les ci, les ça. Fait que c'est pour ça que nous autres aussi, là, quand on a travaillé sur au début du projet, là, on se disait, regarde, si on veut continuer d'allumer nos jeunes, faut les allumer pas seulement avec un bâton là puis des balles, là, mais faut qu'ils les jeunes, fait que les cellulaires, là, ils vont pouvoir se filmer à même, avoir les renseignements, tous les renseignements vont être sur leur téléphone. Ouais. Cellulaire, c'est ça aujourd'hui, c'est la technologie. Fait que maintenant, il faut s'assurer de faire le virage d'une autre aussi. Oui, effectivement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça, tu devrais voir ça, j'imagine, en 2021. C'est pas mal ça. Oui, nous autres, là, on travaille déjà le projet depuis l'automne, là, qu'on est dans les soumissions. C'est des équipements qui proviennent des États-Unis en majeure partie. Là. Fait que travaille de ce côté-là pour aller chercher les meilleurs. Là, l'objectif, nous autres, là, c'est pas de construire une belle bâtisse puis avoir aucun équipement. Là. On veut mettre le minimum sur la bâtisse. Puis on veut acheter le plus possible d'équipements puis d'outils de développement pour nos jeunes puis même nos adultes aussi. Tout le monde va pouvoir avoir accès à ça. Fait que c'est sur ça qu'on travaille. Fait que l'objectif, là, réellement, c'est au printemps prochain, construction de la bâtisse aussitôt que le dégel est arrivé. Puis on veut là que à quelque part là, je te dirais troisième semaine de mai, maximum début juin, mais je dirais un petit peu plus avant ça là, ça va être fonctionnel. Puis les gens vont pouvoir. Puis à ce moment-là, on va réinviter les médias là pour qu'ils viennent voir vraiment concrètement qu'est-ce que ça va avoir donné. Puis après ça, ben, on continue là, nos démarches là pour d'autres pause, si on pourrait dire, là, à même ce projet-là avec d'autres partenaires, là. Bon. Ben, Junior, félicitations, bravo. L'Assemblée générale va être virtuelle, j'imagine, cette année. À quel moment? Ça va être en fin de semaine, normalement? Non, normalement, on essaie d'acheter date-ci, mais là, compte tenu, là, on veut pas comme. Pour le moment, l'option du virtuel n'est pas une OK. option pour nous autres. Fait qu'on attend de voir comment ça va se dérouler, là. De toute façon, théoriquement, là, dans nos règles, dans un monde idéal, là, ben pas dans le monde idéal, mais dans la normalité, là, on a 4 mois à la fin de l'année financière pour Qui est le faire les 31 décembre? non, qui était le 31 octobre, notre fin d'année. OK. Ça veut dire que ça nous donne jusqu'à la fin février, techniquement, pour présenter notre assemblée générale annuelle. Fait que là, on va attendre, puis peut-être qu'on extensionnera, là, parce que en même temps, tu sais, nous autres, il Ouais, y a une compte tenu. clientèle plus vieillissante, fait que là, Bien. l'accès au virtuel, là, puis tu sais, des OK. fois, pour que tout fonctionne bien, là, fait qu'on voudrait vraiment le faire en présence, là, au club, là, fait que c'est pour ça que pour le moment, là, ça ira pas avant 2021. OK. Ben, Junior Junot, très intéressant. On se reparle bientôt. Notre ami Merci. Junior Junot du club de golf Domaine